Les frustrés, d'après Claire Brotéché. Le combat d'une mère. Dans son atelier, la mère sculpte. Nu-pieds, chemise d'homme, blouse de peintre, pantalon sans forme. Séverine, sa fille, entre, coincée. Escarpin, jupe étroite sous le genou, ceinture ajustée, chemisier Yves Saint-Laurent, boucle d'oreille Chanel. Maman, je travaille, Séverine. C'est intéressant ce que tu fais. C'est quoi l'idée? Devine. Oh non, je suis nulle à ce jeu. Oh là, c'est facile, laisse-toi aller. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, je sais pas. Lapin tentant d'accéder au statut d'individu? Femme en érection. Pardon? Femme en érection. C'est le titre de la sculpture. Femme en érection. Ah. Remarque, j'étais pas si loin. Reste pas planté dans mon dos. Bon, maman, j'ai quelque chose à te dire. C'est important. Je me marie. Tu peux répéter, je crois que j'ai mal entendu. Je me marie. Dis pas de conneries. Avec qui? Avec Colas Dugommeau. Colas Dugommeau? Un mec de 30 ans qui a une situation tout ce qu'il y a de plus stable? Te frapper, ma pauvre fille, qu'est-ce qui te prend? Tu veux te faire entretenir, c'est ça? C'est ça? Bah dis-le, tu veux te faire entretenir. Bon, écoute, maman, je suis pas une lutteuse, moi. Alors me casser le cul à faire une carrière, ça m'interpelle nulle part. C'est tout. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? J'ai pas besoin de me prouver que je suis un être humain à part entière. Je le sais assez. Ça fait 100 ans que tu me le répètes matin et soir. Lève-toi et n'oublie pas que t'es un être humain à part entière. Viens manger et n'oublie pas que t'es un être humain à part entière. Va faire tes devoirs et n'oublie pas que t'es un être humain à part entière. Va te coucher et n'oublie pas que t'es un être humain à part entière. Bon alors ça va, c'est bon. Je vais me marier, maman. Et n'oublie pas que je suis un être humain à part entière. Non mais c'est vrai. Après tout, c'est de ta faute. Fallait m'élever autrement. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Elle est pas mal, ta sculpture. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu lui as mis les seins par-dessus tête. Femme en érection? Tu parles? Tiens, regarde ce que je lui ai fait! Attends, femme en érection! Voilà! Femme en érection castrée! C'est pas mal aussi comme titre, ça. Femme en érection castrée. Tota Moulière. De l'expression Tota Moulière in utero, en dehors de son utérus, la femme n'est rien. Tu parles d'une tuile. Il fallait bien que ça m'arrive. Je t'assure, je sais vraiment pas quoi faire. Bah, il faudrait pourtant te décider. Hein. Parce que pendant que t'es là à tronger les ongles sur ta chaise de cuisine, le temps passe. Et si tu te remues pas les fesses vite fait, la décision elle se prendra d'elle-même parce que t'auras trop attendu. Il ne te restera plus qu'à subir ton sort comme une pauvre fille qui n'a pas eu son mot à dire. Je sais pas quoi faire. Tu l'as déjà dit. Raymond est plutôt contre. Et toi? Le docteur a dit qu'après tous les ennuis que j'ai eus avec Stéphanie... Tu te souviens? J'avais dû rester alitée pendant presque toute la grossesse. Et après, il avait fallu provoquer l'accouchement prématurément parce qu'elle se nourrissait plus. Et puis j'avais fait un arrêt cardiaque pendant la césarienne. Et puis elle était allergique au lait maternel. On avait mis du temps à comprendre que c'était ça qui lui provoquait cette espèce d'eczéma. Et on avait cru qu'elle allait mourir parce qu'elle régurgitait tout. Alors évidemment, le docteur dit qu'après tout ça, il vaudrait peut-être mieux... Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas quoi faire. Tu l'as déjà dit. C'est qu'avec un troisième, je vais être obligée de m'arrêter. Là, je vais pas y couper. D'un côté, Raymond voudrait que je m'arrête. Forcément, ça a des avantages. Ça règle le problème de la garde de l'enfant. De ce côté, ça permet de faire des économies. En plus, si je suis à la maison, je pourrais aussi m'occuper de faire le ménage et le repassage. Et donc, c'est autant de gagner. Mais d'un autre côté, il y a les traites de l'appartement à payer. Forcément, on avait prévu les choses avec un salaire en plus. Bah, et toi? T'as envie de t'arrêter, toi? Je sais pas. C'est compliqué. Mon chef me dit que si je m'arrête, c'est embêtant parce que je suis juste sur le point de monter d'un échelon. Il dit que c'est dommage parce que ça veut dire que je passe à côté d'une opportunité. C'est un peu comme si je ratais une marche, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Raymond dit que c'est pas tellement intéressant de toute façon. Il dit que la différence de salaire est pas énorme et que ça justifie pas que... Oh, remarque, ma mère serait contente. Elle aime bien les bébés, ma mère. Après, elle aime pas trop. Quand ça grandit, tout ça, ça l'énerve. Mais les nourrissons, elle adore. Oh, elle serait contente. Surtout si c'est un garçon. Alors là, tu penses, il y a que des filles dans la famille. Oh, c'est sûr que si je lui faisais un garçon, elle serait folle de joie. Mais toi? Oh, moi... Un garçon, une fille, de toute façon, on prend ce qui vient. Mais je veux dire, toi, l'idée d'en avoir un troisième. Moi, tu parles... J'en ai déjà deux, ça me suffit largement. Mais c'est Raymond... Non mais tu vas nous lâcher avec Raymond? C'est à toi que je parle et à personne d'autre. Je me fiche de savoir ce que Raymond en pense. Toi, là, toute seule avec toi-même, en train de te bouffer les ongles sur ta chaise de cuisine. Qu'est-ce que tu veux? Ben... Je sais pas. De toute façon, l'avortement, le pape est contre. Les frustrés. Adapté de Claire Bretéché par Christelle Vioncer. Avec Carole Franck, Adeline Zarudianski, Clotilde Morgiève, Ingrid Donadieu. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.